Chapitre 4. Il y a, pour chaque âme, une atmosphère d'idées qui lui est propre et hors de quoi elle ne saurait respirer longtemps. Une noble sensibilité peut bien se laisser entraîner à des résolutions indignes d'elle, dans un accès d'égarement commencer de les exécuter. Elle ne peut pas s'y complaire. Quand la jeune femme se fut dit « Mon parti est pris, avant 8 jours, je ne les aurai plus à la maison », elle essaya de ne plus penser ni à ses enfants pour qui elle allait être si dure, ni à la vilainie du rôle qu'elle devrait jouer vis-à-vis du père. Instinctivement, elle s'efforça d'endormir le scrupule qui s'élevait déjà des profondeurs si pures de sa conscience en s'absorbant dans le souvenir de son André. Elle évoqua le petit fantôme avec une ardeur de regret qui le lui rendit présent à nouveau, comme si elle ne l'eût pas vu rigide dans sa couchette, avec sa pauvre bouche ouverte et sans un souffle, ses yeux clos, ses mains couleur de cire jointes sur le crucifix, comme si les hommes noirs ne fussent pas venus clouer la planche de la bière sur cette frêle chose immobile, hier un joyeux, un insouciant enfant. Il était là, encore, auprès d'elle, avec le reflet de ce clair soleil sur ses boucles dorées. La vision se fit si précise, si obsédante, que la mère éprouva l'irrésistible désir de donner une pâture réelle à sa tendresse, le besoin de faire une action où ce fils idolâtré fut mêlé, un appétit passionné de le servir. Elle commença de cueillir les brins les plus beaux parmi ses touffes de bruyère blanche pour les lui porter et emparer sa chambre. Depuis le jour où la dépouille de l'enfant avait quitté la villa pour le cimetière, cette villa, ironiquement nommée la Villa Rose, la mère n'avait pas permis qu'un seul meuble fût changé dans cette chambre. Elle avait déjà obtenu de son mari qu'aussitôt revenu, il achèterait la maison, louée d'abord à cause du voisinage de Toulon, quand le lieutenant de vaisseau était attaché à ce port. Que de femmes ont ainsi, mère, épouse ou fille, tenté de prolonger l'existence d'un être adoré, en lui conservant tous les objets qui lui furent familiers. Et puis la prêtresse de ce culte domestique disparaît elle-même, et les reliques qui firent son trésor ne sont plus que la vénale défroque d'un mobilier usé et démodé. Qui blâmera un cœur fidèle de défendre un peu, contre l'inévitable destruction, ce cadre d'humbles et précieuses choses, si personnelles qu'elles sont presque des personnes? Depuis ces 4 mois, la mère n'avait jamais manqué d'aller, chaque matin et chaque soir, dans cette petite chambre à coucher où le dernier soupir de son fils avait passé. Elle ouvrait elle-même les volets, enlevait la poussière des meubles, dépliait les petits vêtements qui gardaient la forme du petit corps. C'était ce rite inutile et passionné de sa piété navrée qu'elle allait accomplir encore. La gerbe des bruyères s'était épaissie jusqu'à être trop lourde pour ses mains. Elle les tenait maintenant à plein bras, et toute heureuse et désespérée à la fois de cette vaine moisson, elle redescendait vers la villa, qui apparaissait à travers les pins d'Alep, les palmiers et les yuccas, toutes roses en effet, couleur de joie et d'espérance. Et c'était une tragique et poignante apparition que cette jeune femme blonde, tout en noir, avec sa gerbe odorante de bruyère blanche, en train de marcher vers cette maison en teinte claire, sous ce clair azur, dans ce verdoyant jardin, comment s'achemine vers une pierre de tombe pour la fleurir et y pleurer.